Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi parce que tu es notre Créateur, notre Dieu. Et nous savons que nous avons besoin de ton intervention pour bien comprendre ce que tu veux nous dire dans les Écritures. Donc, instruis-nous encore une fois sur ce thème de l'Épître, justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc, conduis-nous, et notre désir, c'est mieux comprendre, pour mieux te comprendre et mieux te glorifier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, on est, comme j'ai dit dans ma prière, on est encore dans ce thème de la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. L'auteur n'a pas changé de thème parce qu'on change de chapitre. OK? Ouais. Donc, on a vu à la fin du chapitre 5, est-ce que quand la loi a fait abonder l'offense, et quand l'offense a abondé, la grâce a surabondé. Et là, Paul va répondre à des objections hypothétiques. Peut-être la question se soulève. Et je me suis demandé, est-ce qu'il pensait que la question était soulevée par les croyants ou par les non-croyants? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu les croyants qui vont lever la question ou alors les non-croyants? Tu parles du prochain chapitre? Le chapitre 6. Ouais. Donc, bonne question. La question au verset 1, c'est « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Parce que des fois, on va dire « Ah, ça, c'est l'inconverti qui pense de même. » Mais Paul s'adresse à des chrétiens, puis il sait que c'est des chrétiens qui vont lire. Fait que c'est peut-être préférable de penser que c'est des chrétiens qui vont pas s'objecter comme questionner. Ouais. Vouloir comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Parce que probablement, quand vous étiez jeune chrétien, vous aviez vos questions. Oui, il nous a sauvés, mettons, de nos péchés passés, mais qu'est-ce qu'il y en est des péchés futurs? T'sais, on posait des questions semblables. Pas qu'on s'objectait à quelqu'un qui nous disait qu'on était sauvés, si on croyait. On essaie de comprendre. Et je crois qu'ils font la même chose ici. Donc, et surtout de la part des Juifs, probablement, parce que Paul avait dit au chapitre 5 que la loi était intervenue pour que l'offense abonde. Donc, il va se poser la question, si la grâce surabonde, est-ce que ça fait la gloire de Dieu, puis est-ce qu'on devrait pécher davantage pour que la grâce de Dieu surabonde et que Dieu soit glorifié? J'ai l'impression que c'est là qu'il faut peut-être aller dans cette direction-là pour aider le chrétien à comprendre que, encore une fois, que ce rôle de la loi, cette idée de la loi, il va falloir faire attention parce que le chrétien est généralement très prompt à dire que la loi ne sert pas à son salut, mais on n'est pas loin de penser que des fois que la loi peut servir à notre sanctification. Et on va voir cette semaine ou la semaine prochaine ou dans deux semaines, est-ce qu'il y a un danger d'en appeler à la loi pour se sanctifier? Donc, parce que dans notre tête, des fois, le mot sanctification, c'est quelqu'un qui se sanctifie, c'est quelqu'un qui obéit plus à la loi ou désobéit moins à la loi, un des deux. Donc, il faut faire attention de... Quand j'en appelle à la loi, il y a des dangers. Si j'appelle à la loi pour me justifier, la loi peut aussi me condamner. OK? Ouais. Donc, si j'appelle la loi pour me sanctifier, est-ce que la loi va pouvoir aussi me désanctifier si je ne le fais pas? Si je la vois comme un instrument pour me sanctifier, est-ce qu'elle peut devenir maintenant un instrument pour que... Je perds cette sanctification-là ou qu'elle m'enlève ma sanctification. Ça va être des choses qu'on va se poser comme question parce que Des fois, là, il y a des mouvements qui prônent que la loi est la norme de la vie chrétienne. Quand il parle de la loi, là, il parle plus de la loi morale et du commandement. Mais quand j'en appelle au dix commandements, il faut faire attention, parce qu'il y a, il y a un danger, là. Il y a un danger de... Quand on fait ça, on va voir là, quel danger, peut-être, on va en parler ensemble, pour bien comprendre que... Est-ce que j'en ai fini avec la loi? Oui ou non? Et est-ce qu'il serait mieux de dire, mettons, en tant que chrétien, je vais aimer mon Dieu, aimer mon prochain, au lieu d'en appeler à la loi? OK? Mm-hmm. Donc, puis je ne vois pas, est-ce que je vais en appeler à aimer mon Dieu et mon prochain pour me sanctifier? Là, ça, tout d'un coup, on dit, ben non. Là, me semble, on répond non, là, tout de suite. Mais la loi, tout d'un coup, quand on dit la loi ne sert pas à me sanctifier, on hésite un peu plus à penser ça. Mais on va essayer de le voir et de comprendre que est-ce que c'est terminé pour moi la loi en tant que chrétien d'une façon complète. Donc, pour ma justification, jusqu'à date, on a vu qu'elle ne peut pas servir à ma sanctification. Donc, ma justification. Ma justification. Elle a servi à m'amener à connaître le péché et toutes ses conséquences et le moyen de remédier au péché par un intermédiaire, un sacrificateur qui était Jésus-Christ, un sacrifice qui était l'agneau de Dieu et le temple du voile qui était déchiré et tout cela. Donc, on a vu que la loi m'a aidé à comprendre. Puis Paul va revenir au chapitre 7 en nous disant que la loi est un pédagogue pour m'emmener à Jésus-Christ. Donc, si elle m'a emmené à Jésus-Christ, est-ce que son rôle serait terminé? Si un pédagogue est là pour m'amener à l'âge adulte, puis j'ai l'âge adulte, le pédagogue, je peux le congédier. Je peux le congédier. Ouais. Si je, dans un sens, c'est une réalité, là. Comme la loi nous dit, nous autres, les êtres humains, quand tu es rendu un adulte, tes parents ne peuvent plus. On n'a pas le droit civilement d'intervenir et t'empêcher de faire des choses qui sont légales. Donc, parce que leur charge, c'est de m'emmener à l'âge adulte, à l'âge où je peux prendre des responsabilités moi-même. Mm-hmm. Donc, il faut faire attention avec cette loi, puis on va essayer de comprendre, s'il est possible, le rôle des dix commandements dans notre vie chrétienne. Parce que souvent, on les côtoie. Il peut y avoir un peu de danger là-dedans. Malgré que quelqu'un pourrait bien répondre, François, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est le résumé de la loi. Mais il faut faire attention comment je veux les utiliser, ces deux commandements-là. Mm-hmm. Quel rôle ils ont dans ma vie, ces deux commandements-là? Okay, c'est ça qui est, comment on peut dire ça, pernicieux? Oui, c'est devenir. C'est dangereux un petit peu. Donc, il faut faire attention quel rôle je vais y donner. Parce que si j'y donne un pouvoir, elle a un pouvoir sur moi. OK? Donc, vous vous souvenez qu'on a vu dans les chapitres passés, le péché a régné par la mort. Mm-hmm. Et la grâce a régné par la justice. La justice. Elle règne par la justice. Donc, là, on va voir que la loi, je ne suis plus assujetti à cette loi-là. Donc, elle ne peut plus me donner la mort. Si elle ne peut plus me donner la mort, elle n'a plus de pouvoir sur moi. Mm-hmm. Donc, c'est des choses qu'on va voir ensemble. Puis Paul va, la deuxième question qu'il va soulever dans ce chapitre 6, c'est, vu qu'on n'est plus sous la loi, est-ce qu'on pécherait? Ça n'a plus d'importance, c'est plus la loi. Bah, on peut faire ce qu'on veut. Là, il va encore répondre à l'objection ou à la question. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de loi, il y a un danger d'anarchie. Hein? S'il n'y a pas de loi, il y a un danger d'anarchie. Donc, mais Dieu a remédié à cela autrement qu'en nous donnant encore des lois après être chrétien pour empêcher l'anarchie. Okay? Donc, il peut, j'ai vécu une expérience qui m'a resté marquée. Ça fait presque 50 ans de dire. Il faut être vieux pour dire 50 ans. Donc, il y a 50 ans, j'étais à Montréal, puis la police avait déclaré la grève. Et moi, j'étais de passage à Montréal. Je m'en allais à Vancouver. En attendant le train qui m'emmenait à Vancouver, on est sorti marcher sur la rue, en attendant, nous avons une coupelle d'heure. Et Et là, on a commencé à entendre toutes sortes de cris, de bris de vitrines, d'accidents, de toutes sortes de choses qui se passaient. Puis, fait qu'on, curieux comme je suis, on a suivi le bruit. Puis on s'est rendu quelques rues plus loin. Et là, il y avait une foule. Et c'était l'anarchie. C'était le chaos. Plus de police, plus de loi. C'était l'anarchie. Donc, on cassait les vitrines, on rentrait dans les magasins, on les vidait, on emplissait les automobiles. C'était vraiment le free-for-all. Là, ils ont été obligés d'appeler l'armée parce que c'était le chaos dans la ville. Donc, c'est que malgré qu'il n'y a plus de loi, il y a autre chose qui va nous diriger, qui va nous empêcher à aller vers l'anarchie, on pourrait dire, en tant que chrétien. OK? Donc, c'est des termes qu'on va essayer de comprendre ensemble. Là, on va faire ce soir verset 1 jusqu'à 14. On va essayer de faire ça ensemble. Fait qu'on va lire à partir du verset 1 jusqu'à 14. Isabelle, Daniel, Patrick. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je me souviens, les premières fois que je lisais l'Épître aux Romains, que je lisais, mettons, comme le verset 14, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. » Je me regardais dans le miroir et je me disais, « Mais semble qu'il y en avait encore du pouvoir. » Il y a quelque chose qui marche pas. Il semblait qu'il y en avait encore. Donc, parce que le texte dit bien, « Le péché n'aura point de pouvoir. » C'est pas qu'il va avoir moins de pouvoir, il n'en aura pas de pouvoir. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là, ou bien comprendre que le péché n'a pas de pouvoir sur le croyant. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'apôtre Paul, pour répondre à la question du verset 1, parce que l'argument de 3 à aller jusqu'à la fin 14, c'est une réponse au verset 1 et 2. Hein? Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Le chrétien dit, « Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, l'apôtre Paul va dire à quelques reprises, comme il a déjà dit déjà, « Loin de là. » On pourrait traduire en québécois « au grand jamais ».« Au grand jamais ». « Aucun non ». Aucun nom. Donc, on pourrait dire différentes expressions que si mon grec est bon, jusqu'à certains points, c'est l'expression la plus forte qui peut montrer un négatif dans, dans la langue originale. C'est au grand jamais, jamais, jamais, au grand jamais qu'on va faire ça. Mais la question était-elle légitime? Ou la question était-elle sincère? Comment un chrétien peut-il poser une telle question si c'est un chrétien qui la pose? Hein? Et je crois que c'est une question qui reflète un manque de maturité dans la foi. Paul va dire, je parle ainsi parce que vous êtes encore dans la chair. Il va dire, votre raisonnement n'est pas complètement encore biblique. Et des fois, il y a des chrétiens qui vont nous poser des questions, puis on voit qu'il manque un peu de connaissance ou de maturité chrétienne. Donc, on répond. Donc, et l'apôtre Paul va dire non. Donc, là, il a répondu non, c'est confirmé. OK? Donc, on ne se lance pas dans le péché, on ne se vautre pas dans le péché pour que la grâce surabonde. OK? Donc, ça, c'est clair, c'est non. Maintenant, il va expliquer le pourquoi le chrétien ne peut pas aller cette direction-là, pourquoi celui qui a bien compris ce qui s'est passé dans son salut ne va même pas y réfléchir plus que deux secondes et dire, ben non, ça n'a pas d'allure de penser ça. OK? Donc, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, il dit que nous sommes morts au péché. Ce n'est pas qu'on essaie de mourir ou de faire mourir, mais il nous déclare qu'on est mort au péché. Donc, comment est-ce qu'on pourrait vivre maintenant dans le péché? C'est contradictoire, hein? On ne peut pas être mort au péché et vivre dans le péché, ou pour le péché, ou désirant faire le péché. Je ne peux pas penser comme ça, je ne peux pas dire ça. Donc, c'est l'exemple qu'il va prendre plus bas. Tu ne peux pas être un esclave d'un maître et vivre l'autre maître. Ouais. Tu peux pas. Tu vas être maître du péché. Le péché va être maître sur toi, tu vas être son esclave. Ou alors la justice va être maître sur toi. Mais tu ne peux pas être dire je suis libre du péché, mais je suis mort au péché, mais je suis esclave d'eux. Je ne peux pas. C'est une contradiction, là. Donc, si tu es mort au péché, tu ne peux pas vivre pour le péché. Lui redonner le contrôle ou le pouvoir ou le règne. Le règne, ou le rétablir comme maître, mort au péché. OK? Donc, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par mort au péché. L'exemple de Jésus va nous aider à comprendre, où il va aller chercher notre union avec le Christ. On ne parle pas beaucoup de cela chez les croyants, malheureusement. C'est une grande vérité qui est très édifiante, très stimulante, très réconfortante. De penser qu'on est uni à Christ. Mm-hmm. Amen. Ça, c'est. On n'en parle pas tout à fait assez, je dirais, entre nous, de dire Hey. Puis nous, on est en train de faire réfléchir, comme je vous ai dit à plusieurs reprises déjà. Et nous, on voit le en Christ. Puis on dit il ne faut pas oublier, là. On rentre dans le chapitre 4, qui est souvent qu'on appelle les exhortations, mais j'ai dit on rentre en Christ. On n'oublie pas qu'on est en Christ pendant qu'on va lire le chapitre 4, 5, 6. Sans ça, on va retomber sur des règles religieuses. Il faut arriver là avec la certitude qu'on est en Christ. Donc, nous, on va lire le chapitre 6, 7, 8, mais qu'on tombe dans les parties plutôt pratiques de l'Épître romain, on va se rappeler qu'on est une même plante. On est conforme à... On est pareil que. Donc, ça va nous aider à ne pas se mettre de fardeau inutile dans la vie chrétienne. Mm-hmm. Parce que le fait que je suis uni à, ça fait de quoi? Ça l'amène un grand privilège. OK? Donc, si nous sommes morts au péché, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. C'est quelque chose qui nous a été fait, qu'on a obtenu par la foi. Là, il va au verset 3, il dit, « Ignorez-vous... » C'est vous, là, c'est que j'ai parlé que c'est peut-être les chrétiens ont un manque de connaissance. « Ignorez-vous? Vous n'avez pas bien compris? Mm-hmm. » Moi, je me suis fait baptiser quand j'étais jeune chrétien. On m'a dit, c'est pour donner un témoignage que tu es sauvé par la foi. Un témoignage public. Oui, on ne m'a pas emmené autant le chapitre 6 comme une raison pour que je comprenne mon baptême. Ignores-tu qu'est-ce qui s'est passé à ton baptême? As-tu bien compris que ce n'est pas juste un témoignage? tu es devenu une même plante avec quelqu'un par la foi. Tu t'es uni. Je parlais avec une femme de la Jamaïque qui me posait des questions sur le baptême. Puis j'ai dit aujourd'hui, si je dirais que le baptême, c'est quoi? Je dirais c'est le jour de je me suis uni à la personne de Christ. Je suis devenu un avec Christ. Et ça change ma vie de devenir un. Même devenir un avec son épouse, ça change toute la vie. Parce qu'avant ça, j'étais un célibataire. Je deviens maintenant un homme marié. Ça change un paquet de choses dans ma vie. Juste par le fait que je suis maintenant uni à. Malgré que l'union est moins forte que celle avec Jésus-Christ. Hein? L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5, il dit, on est devenu une seule chair. Hein? Là, il dit, je parle de même en ce qui concerne Jésus-Christ et l'Église. C'est grandiose en pensant qu'on est devenu un avec Christ, comme un homme et une femme deviennent un. Mais là, il dit le miracle, c'est le fait que je suis devenu un avec l'Église. Christ est devenu un avec sa femme qui est l'Église. Ça, c'est encore beaucoup plus grandiose dans ce sens-là. Donc, il dit, comprenez bien, n'ignorez pas l'implication théologique derrière votre décision de vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. OK, n'ignorez pas. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, beaucoup de questions chez les croyants ou de questionnements ou d'inquiétudes ou de fardeaux viennent d'un fait d'un manque de compréhension. Ce que j'ai remarqué avec les chrétiens, c'est pas ils sont mal intentionnés. Ils sont bien plus souvent ignorants. Mm-hmm. Ils ne comprennent pas bien. Donc, ils n'ont pas besoin d'être martochés. Ils ont besoin d'être instruits. Martelés. J'ai dit martochés. Ah. C'est plus fort, martoché. Je vais continuer avec martoché. Ça doit venir de ton bout, ça, cette expression-là. Oui, ça vient d'un cultivateur. Ouais, c'est la première fois que je l'entends, martoché. Oh, un marteau, martoché. Mm-hmm. C'est plus fort que martoché. Qui vient d'inventer ça? Qui, ça, moi? Mm-hmm. Non, c'est une expression qu'on utilise, martoché. Ah, okay. OK, les cultivateurs. Okay. Là, on disait ça, oui. OK, on va continuer en français. Marteler, pour faire cela. Donc, il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Donc, ici, nos gros qui disent que c'est le baptême de l'Esprit, je ne crois pas que c'est ça que l'apôtre Paul parle, personnellement. Je crois qu'il parle de notre baptême d'eau, qui est une image d'une réalité spirituelle, bien entendu. Mais il y a un baptême d'eau, parce que l'exemple d'être enseveli puis de sortir, c'est mieux. L'image est plus belle avec le baptême dans l'eau qu'un baptême spirituel comme tel. Mm-hmm. Donc, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc le mot en revient là, comme dans Éphésiens, on sait, en veut dire, le mot en latin, c'est le mot intérieur, le mot in, là, intérieur. C'est à l'intérieur de le mot in veut dire dans. C'est-à-dire à l'intérieur de la maison, mettons, extérieur, intérieur. Extérieur, on sait que c'est à l'extérieur de la maison. Le mot in veut dire que c'est à l'intérieur de la maison. Le in, là, dans le latin ou dans l'original, nous apporte à voir qu'on est dans quelque chose de plus gros que nous. OK? Donc, on est dans le Christ, on est en Christ. Si je suis en quelque chose, c'est quelque chose de plus grand que moi, puis moi, je suis à l'intérieur de cela. OK? Je suis en Christ. Donc, il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, nous sommes unis dans sa mort. Les chrétiens, on le voit comme Christ, il est mort, il a pris nos péchés. Donc, il a porté nos péchés à la croix. Et à cause de cela, Dieu l'a puni. Et moi, je n'ai pas besoin d'être puni. Mais il dit, ça va plus loin que ça. C'est que en mourant, tu es mort au péché. Tu es mort à quelque chose. Il n'y a pas juste été mort pour des péchés, tu es mort au péché. Donc, il dit, tu as été baptisé. Nous avons donc, et au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, on était ensevelis. On est entré sous l'eau, comme on dit des fois. On était ensevelis. Donc, on était mort. Jésus a subi la mort. Là, il dit la raison. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mm-hmm. Donc, on n'est pas... Le baptême ne nous a pas seulement permis de mourir avec Christ, mais de ressusciter avec Christ et venir à la vie. Mm-hmm. C'est pour ça que vous me comprenez. Je ne sais pas si vous avez déjà... Moi, j'enseigne que le baptême sauve. Je fais attention quand je le dis, là, surtout quand je suis chez Baptiste. Je fais attention quand je dis que le baptême sauve. Je crois que malheureusement, sans le vouloir, je dirais faire le mal, on a réagi au baptême des catholiques, on a distancé le baptême de la profession de foi. Ouais. On y a enlevé un peu son sens. Donc, je me souviens quand j'ai dit à ma mère que je me faisais baptiser, il faisait 2 ans que j'étais chrétien, parce que dans nos églises, il y avait toutes sortes de règles pour être baptisé. Et ma mère a dit, pourquoi tu fais baptiser? Elle dit, je veux monter, je suis chrétien. Elle dit, on le sait, ça fait 2 ans que tu nous rabattes par la tête, que tu es un croyant et que tu nous évangélises. Ça faisait plus de sens. Ça fait deux ans que tu nous martoches. Tu nous martoches. C'est dit que pourquoi le baptême ferait ça? Comprends-tu? Donc, le baptême, il avait perdu un peu son sens. C'est un peu comme des hommes et des femmes qui vivent ensemble pendant 20 ans, du coup, ils se marient. On a enlevé un peu le sens du mariage. Parce que là, le lendemain matin, quand ils se réveillent, ce monde-là, il n'y a rien de changé. Là. Ils sont dans le même lit que l'avant, ils sont dans la même maison, les mêmes enfants. C'est pas comme si quelqu'un qui quitte son père et sa mère, ça va chercher sa femme, et pour la première fois, ils vont vivre dans la même maison, dans la première fois, ils couchent dans la même chambre. Et là, c'est toute une vie qui commence nouvelle. Donc, le mariage, quand je dis le jour de mon mariage, j'ai un paquet de souvenirs qui arrivent dans ma tête. Mais si ça fait 20 ans que je suis avec la femme, que je vis avec, ben ça l'enlève un paquet de sens. Là. Okay? Parce que là, on a distancé le mariage, la cérémonie qui pourrait montrer le mariage, on l'a distancé de la réalité. Et donc, le baptême ici, il dit, quand vous êtes mort avec Christ, vous êtes mort au péché et toutes ses conséquences, et vous êtes ressuscité pour commencer une nouveauté de vie. Oui, Daniel? Fait que je ne sais pas si je comprends bien, là. C'est comme on n'avait pas le choix de mourir pour pouvoir avoir une nouvelle vie. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu meurs. Nous, on est mort en Christ. Oui, c'est ça. Lui est mort réellement. Nous, on est mort par la foi en lui. Ça ne rend pas ça moins réel à cause que c'est par la foi, là. OK? Mm-hmm. Mais je ne suis pas mort physiquement, c'est ce que je veux dire. Oui. OK? Donc, lui, il est vraiment mort physiquement, il est enterré, il a été séparé du Père, il a vécu la mort pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Mm-hmm. Ça nous fait un peu étrange de dire ça de la part de Jésus, à Jésus, hein? Mais il l'a vécu. Récemment, j'écoutais quelqu'un sur le web qui parlait que Jésus était vraiment un homme, mais... Elle a omis de parler qu'il était Dieu, donc ça faisait plus de sens. Parce que là, elle voulait qu'on imite Jésus dans notre vie chrétienne, parce qu'on était des hommes pareils comme lui, puis on avait le Saint-Esprit pareil comme lui. Mais j'ai dit, t'oublies une chose, Jésus n'avait pas la nature pécheresse. C'est une autre dimension, là. Mm-hmm. Lui, il n'était pas par naissance un pécheur. Un pécheur par naissance avec le Saint-Esprit, ça ne ferait pas la même affaire que Jésus avec le Saint-Esprit. Il faut faire la distance un petit peu entre les deux. Donc, Jésus dit qu'il a commencé une nouvelle vie pour la gloire du Père. Pour que nous, on commence aussi une nouvelle vie. Donc, on y répond à sa question du verset 2. Comment vivrions-nous encore dans le péché quand on est mort au péché puis qu'on est redevenu vivant puis qu'on vit pour la gloire de Dieu? C'est marqué par la gloire. On a resté des morts par la gloire, par la puissance de Dieu, mais on va voir que Christ va vivre pour Dieu après. Okay? Bon. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit, tu ne peux pas vivre encore comme un mort quand tu es vivant. Donc, ce serait ridicule de dire, est-ce qu'on pécherait ou que la grâce soit abonde? Oui, on veut que la grâce soit abonde, on veut que la grâce de Dieu soit manifeste, lui amène de la gloire, mais on ne va pas utiliser le péché pour le faire. Mm-hmm. Nous, on va proclamer l'Évangile pour que la grâce soit abonde, et que la gloire lui revienne. On ne va pas utiliser le péché pour le faire. Parce que même si ça serait ça le moyen, que la grâce de Dieu soit abonde, on serait très incapable de le faire parce qu'on est maintenant des gens qui vivent. On a maintenant la vie. Donc, c'est comme ouais. C'est impossible pour un mort de faire certaines choses, mais c'est impossible aussi pour un vivant de faire certaines choses. OK? Donc, moi, étant vivant spirituellement, étant devenu une même plante avec le Christ, il y a des choses que je ne peux pas faire maintenant. Comme le mort ne pouvait pas faire. Lui, parce qu'il était mort. Voyez-vous qu'il va nous amener dans une dimension qu'il faut bien comprendre que la nouvelle vie qui nous est accordée parce qu'on est unis au Christ nous emmène dans une dimension que je vais commencer à faire des choses selon ma nouvelle vie. Mm-hmm. Ou la nouvelle naissance, qu'on pourrait dire des fois. Ou, ce fait que je suis maintenant sorti de la mort, puisque maintenant je suis vivant en Christ, ou par la foi en Christ, par la gloire du Père, donc c'est le Père qui m'a ramené à la vie comme il a ramené Christ à la vie. Maintenant, je vais réagir différemment dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il est impossible pour le croyant de vivre comme avant. On n'a plus ce désir-là du tout non plus. Non. Donc, on va revenir tout à l'heure au chapitre 7 avec la question de la chair qui est encore là, présente. Mm-hmm. Mais pour le moment, on va s'en tenir au fait qu'on est né. Donc, on ne peut pas aller dans le péché pour que la grâce se rabonde. C'est comme si notre attention elle se dirige ailleurs. Oui. Oh, oui. On n'est plus focusé à une place, focusé à un autre sur Christ. Oui, c'est pareil comme si je change ta nature, tu vas changer d'alimentation par nature. Si tu étais un végétarien, là, je t'ai fait de toi une nouvelle nature, puis tu vas devenir un carnivore. Tu serais plus intéressé à l'herbe, mais aux bébites qui mangent l'herbe. Mm-hmm. Donc, tu as une nouvelle nature. Mm. Okay, donc, on va voir ensemble, comme il dit, nous marchions en nouveauté de vie. Parce qu'il dit, là, au verset, on n'a pas fait le verset 5, là, hein? Verset non. 5, on va le faire, le verset 5. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Donc, on a eu une conformité. Donc, on est devenu comme lui dans la mort, on est conforme à sa mort. Nous sommes devenus, on est mort avec lui, donc on est aussi mort que lui. On a vécu la même mort que lui. On est conforme, là. Mm. Et ça, on l'accepte, on le comprend bien. Mais la deuxième, il dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mm. Donc, si l'une nous est donnée par la foi, hein, l'autre nous est donnée par la foi aussi, maintenant je suis conforme à cette nouvelle vie que le Christ avait après sa résurrection. Mm. Pas la vie divine. Il faut bien comprendre que la vie que Jésus avait perdue pendant qu'il était mort, c'est la relation avec le Père, la communion avec le Père, la présence du Père. Parce qu'il dit, Père, tu m'as abandonné, je n'étais plus là. Il y avait une séparation entre Dieu et Jésus pendant un temps, pendant le temps qu'il était mort. Donc, quand il revient à la vie, il recommence à communiquer avec Dieu, il recommence à voir Dieu, il recommence à entendre Dieu, parler avec Dieu. C'est reparti, là. C'est reparti. Donc là, et ça, c'est, nous, le péché nous avait donné la mort, puis donc, maintenant, on meurt, on subit la conséquence du péché, on revient à la vie, maintenant, on est en lien avec Dieu. On revient en lien avec Dieu. Mm-hmm. On recommence ce qu'on avait perdu en Adam. Mm-hmm. Donc, on recommence la vie. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Nous avons une vie, parce que des fois, on va dire, il faut être conforme à Jésus-Christ, il faut être comme Christ. Pourtant, on est conforme à Christ mm-hmm. jusqu'à un certain point. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'on doit faire un effort pour l'être. Mais pourquoi il dit « nous le saurons » aussi, par cas sans confiance? Ah, OK. C'est C'est une façon de parler, parce que vu qu'on était conformes, nous serons conformes aussi dans notre vie de tous les jours. C'est ça, il y a un « si ». Oui, c'est ça. Là, nous, donc, c'est, je comprends. On ne va pas commettre le péché, nous serons conformes aussi. On était conformes dans la mort, nous serons conformes aussi dans tous les jours de notre vie à la résurrection qu'il a vécue. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais on va voir que à cause qu'on est conforme, on va combattre la chair. On va pas essayer de devenir conforme. Mais à cause qu'on est conforme, on va combattre la chair. OK? Dans sa folie. Mais on n'essaye pas de devenir conforme. Donc, on va voir tout à l'heure qu'on a crucifié le vieil homme. Le crucifié, là, ça veut dire qu'une chose, c'était mort. Ouais. Les crucifiés, là, ils mouraient. Là. Tu ne faisais pas crucifier plus qu'une fois dans ta vie. Okay? C'était une fois. Tu mourais. Okay? Donc, nous sommes conformes à Jésus-Christ à sa résurrection. Donc, on a vu que par la résurrection, il est venu à la vie, donc conforme à cette nouvelle vie qu'il a. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc, voyez-vous ici, là, sachant que notre vieil homme, ce qu'on était avant, a été crucifié avec lui, afin que, pourquoi qu'on a voulu mourir avec lui, pourquoi qu'on s'est uni par la foi avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. On a enlevé au péché son pouvoir. Mm-hmm. On n'est plus son esclave. Il régnait sur nous par la mort. Maintenant, il ne peut plus nous donner la mort. On est déjà mort. Mm-hmm. Tu ne peux pas donner la mort à des morts. Même si tu continueras à planter le couteau, si il est mort, hein, il n'est pas plus mort après le 50e coup. Okay? Donc, il est mort. Donc, il dit, nous, on s'est unis au Christ et afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, on n'est plus esclaves du péché. Yes! Oui, yes. Tu peux dire ça, yes. Donc, esclave veut dire, il n'est plus notre maître. Ouais. Il n'est plus. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Il ne règne plus sur nous. Donc, on est encore en train, n'oublions pas, on est encore en train de répondre à notre question du verset 1. Donc, on est en train de dire, on ne va certainement pas pécher pour que la grâce abonde. Nous ne sommes plus esclaves du péché. On est mort au péché. Donc, on ne voulait plus être esclave du péché. On s'est uni au Christ dans sa mort, mais maintenant, on n'est plus son esclave. Donc, on ne va pas se lancer dans le péché pour que la grâce se rabonde. OK. La clé, c'est le verset 1. Oui, il faut toujours garder ça là. Parce que, en fonction que c'est la réponse par rapport à la question. C'est toujours ça. Okay? Il n'est pas en train de vouloir me donner des règles de conduite pour ma vie chrétienne, mais de comprendre que je ne suis pas en train de vouloir faire le péché pour que la grâce de Dieu se rabonde. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il m'explique pourquoi je ne peux pas penser comme ça. Pourquoi je ne devrais pas aller dans cette direction-là. Le chrétien, on va le voir, ça en est toujours, le chrétien a changé sa perception du péché, de la vie qu'il avait avant. C'est maintenant le péché, il arbore, c'est le mot arbore, c'est qu'il le déteste, il le hait, il le repousse. Là, je parle de celui qui est ressuscité avec le Christ, cette partie de moi qui est ressuscité avec le Christ. Il y a une sainte haine pour le péché. Donc, je ne peux pas le courir après pour l'utiliser pour la grâce sera bonne. C'est dur de penser comme ça. OK? Or, verset 7. Il y avait un autre bout, là. Ouais, car celui qui est mort est libre du péché. OK, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, le mot ici, c'est libre au lieu d'être esclave. Hein? Ouais. Pas libre dans le sens qu'il n'en fera plus. OK? C'est pas ça qu'il est en train de parler. Il est libre du péché, donc il n'en est plus l'esclave. Donc, et pourquoi je ne suis plus esclave? Parce que je suis mort. J'ai déjà crucifié le vieil homme. Et donc, je ne suis plus l'esclave. Il n'y a plus de pouvoir sur moi. Il n'est plus mon maître. Donc, il ne peut plus me donner la mort. Il ne peut plus me... Parce que aussitôt que je péchais, il me donnait la mort. La mort me gardait attaché à lui. Me gardait en amour avec le péché. Me gardait en amour avec le diable, avec le monde de l'iniquité. Parce que la mort, c'est ça. Me gardait séparé de Dieu. Donc, je disais, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne pécherai pas. Aussitôt que je péchais, j'étais dos dans la mort. Comme on avait parlé un peu cette confession qu'on faisait. Je confessais mes péchés, je sortais du confessionnal, je faisais un péché, j'étais encore mort. Et la loi faisait ça. La loi, je réussissais à l'observer une fois, la deuxième fois, je ne réussissais pas. Donc, j'étais encore mort. Donc, je n'étais pas capable d'utiliser la loi pour m'en sortir, parce que la loi me donnait la mort à chaque fois, parce que je ne le faisais pas. La conséquence de ne pas faire la loi, c'est la mort. Mais on l'a vu ensemble, on était déjà mort, on manifestait cette mort-là. Donc, la loi ne peut pas être utilisée pour quoi que ce soit chez le croyant. C'est pour ça qu'il va dire, tout à l'heure, vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus là. Tout à l'heure, au chapitre 7, il va nous donner l'exemple de la mort. Il dit, une femme que son mari est mort n'est plus là. N'est plus sous, la loi n'a plus de pouvoir sur cette femme-là. Elle peut se marier avec un autre. Donc, c'est parce que la mort est arrivée. Donc, c'est la même chose pour nous autres, d'une façon globale, en Jésus-Christ. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si on croit qu'on est mort avec lui, nous croirons aussi que nous vivrons avec lui. Là, il parle à des gens qui disent, j'espère que vous ignorez pas. Donc, si je vous dis, là, si vous êtes mort avec lui, vous allez vivre avec lui. Donc, même s'il dit « nous vivrons », c'est la même chose que tout à l'heure, il disait là, « le serons à sa conformité ». C'est qu'il parle comme des gens qui disent « si vous croyez que vous êtes mort avec le Christ, vous vivrez aussi avec le Christ ». Donc, il n'est pas en train de dire que c'est quelque chose qui n'est pas là encore, mais il est en train de dire, si tu as cru en un, tu vas avoir l'autre. C'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut le prendre. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Donc, pourquoi est-ce que je crois que je vais vivre avec le Christ? C'est parce que, étant ressuscité, je ne meurs plus. Si je ne meurs plus, ben je ne suis plus esclave du péché. Je suis plus sous le péché. Je suis libre du péché. Je ne meurs plus. Je ne meurs plus, pas parce que je réussis à ne pas faire de péché, c'est parce que je suis ressuscité avec le Christ. D'entre les morts. Donc maintenant, je ne peux plus mourir, je suis déjà mort. Comme je l'ai déjà dit, il y a certains chrétiens qui vont être là quand Christ va revenir, qui ne mourront pas. Ils vont juste être transformés. C'est la preuve que la mort, c'est déjà réglé pour les croyants. Parce qu'ils devraient mourir normalement. Mais vu que la mort a déjà été réglée, Christ revient, puis il va y avoir une génération de chrétiens qui ne vont pas goûter la mort physique. Ils vont juste être transformés. Ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs. Donc, c'est une vérité qui est intéressante. La mort est derrière nous, les croyants. Derrière nous. C'est quelque chose avec lequel on a déjà fait affaire. Je mérite de mourir, par la foi, je meurs avec le Christ. J'en accepte les conséquences, je meurs avec le Christ. Et j'ai réglé mon cas, j'ai fermé mon dossier, si je peux dire comme ça. Je méritais la mort, je suis mort. Maintenant, à cause de mon union avec le Christ, je reviens à la vie par la résurrection. Et là, étant ressuscité avec le Christ, en vivant avec le Christ, le péché n'a plus de pouvoir, donc il ne peut plus me donner la mort. Je ne meurs plus, ni spirituellement, et ultimement, ni physiquement non plus. Donc, c'est vraiment intéressant de bien penser ça. Donc, le péché n'a plus le pouvoir de me donner la mort. C'est pour ça que je vis tout le temps. C'est le sens du mot je vis continuellement parce que je ne meurs jamais. Donc, ça, un dit de façon un peu positive, l'autre un peu négatif. Je vis. Pourquoi tu vis? Parce que je ne meurs pas. Pourquoi tu ne meurs pas? C'est parce que j'ai la vie. Donc, ça va ensemble, les deux. Pourquoi est-ce que tu vas vivre éternellement? C'est parce que je suis déjà mort. Et le péché ne peut plus me donner la mort, donc je vais vivre éternellement. Voyez-vous la logique? Et on a besoin de comprendre ça. Que le chrétien, quand il pêche, il ne meurt pas. Donc, s'il ne meurt pas, sa relation avec Dieu n'est pas entachée, n'est pas touchée. Je continue d'avoir ma relation avec Dieu comme avant. Parce que c'est la mort qui m'empêcherait d'avoir une relation avec Dieu. Ouais. Puis là, moi, je ne meurs plus. Donc, automatiquement, ma relation avec Dieu n'est pas entachée. Dieu n'est pas obligé de dire « Sors de ma présence, va-t'en loin du paradis, t'as péché, je ne peux plus être avec toi, je ne peux plus te regarder, tu es un pécheur. » Dieu ne peut pas. Dieu ne fera pas ça. Il ne fera jamais ça. Parce qu'il fera faire ça seulement si je mourrais. Il l'a fait avec Adam, parce qu'Adam et Ève sont morts. Ouais. Là, ils ont chassé du paradis. Donc, pour nous autres, on est toujours en relation avec lui. Donc, on ne meurt plus. Là, il dit, continue, il dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, le péché ne règne plus sur moi par la mort. Tout ça étant à cause de mon union avec le Christ. À cause de mon baptême en Jésus-Christ. Donc, ça s'est fait en un instant, si je peux dire. Là, on ne va pas jouer sur une seconde. En un instant, donc on était dans l'union par la foi. Je suis mort, je suis ressuscité. Je vis, je suis libre, je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne peut plus me donner la mort. Et je vis pour Dieu. Je vis par la gloire de Dieu. Ou on va voir, je vis pour Dieu. Amen. OK, donc, automatiquement, cette genre de vie-là qui m'est donnée va me pousser à servir Dieu, à adorer Dieu. Ouais. Ah, c'est ça qui fait ça! Ouais! OK, là, je comprends. C'est bien ça. Il y a tout le temps de drive comme qui nous... Ben, moi, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on parle entre nous, peut-être un peu plus souvent qu'on le fait, de cette nouvelle nature qu'on a, qui me pousse. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, je disais, cette nature que nous avons va produire des fruits. Va produire des fruits. Qui sont un résultat immédiat ou constant ou permanent ou naturel pour celui qui a la vie. Un cèpe attaché, un serment. Un serment attaché au cèpe produit du raisin. Il ne produira pas des pommes, il ne produira pas des pâtes de bananes, il va produire du raisin. Parce qu'il est attaché après un cèpe. S'il est attaché après un pommier, il produira des pommes. Et celui, si je suis attaché après quelque chose, je vais produire la chose à laquelle je suis attaché. Moi, étant uni au Christ, je vais produire des fruits que le Christ produit, que Dieu a produit, que lui fait. On ne peut pas penser, une seconde que c'était dur pour Christ de vivre pour la gloire de Dieu. C'est facile pour nous autres de penser, de dire, bien sûr, Christ, il vivait constamment pour la gloire de Dieu, puis il ne disait pas, c'est pas facile vivre pour la gloire de Dieu, tu sais. C'est Dieu. C'est pas facile, la vie chrétienne. Jésus ne pensait pas comme ça. Nous, on sait qu'on a la chair encore, mais la partie qui est ressuscitée, parce qu'on est bien ressuscité. Yes. On n'est plus mort. On est vivant. Le péché n'a plus de pouvoir. On n'est plus son esclave. Donc, cette partie-là de moi, je ne peux pas penser qu'elle va dire « J'aimerais mieux pas vivre pour la gloire de Dieu. » Elle peut pas. Non, c'est comme... C'est ce qu'elle veut. Ça ne fit pas, là. Ouais. C'est ce qu'elle veut, elle. Sa nature, maintenant, c'est son instinct, je peux la dire comme ça. C'est sa, son ADN. C'est son code génétique, si je peux dire ça comme ça. C'est l'opposé de la chair. Là, voilà, c'est l'opposé de la chair. Sa nouvelle nature. Bravo, oui. Patrick. Cette nouvelle nature. Car, là, il nous dit, pourquoi est-ce que la mort n'a plus de pouvoir? Car, au verset 10, il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Mm-hmm. OK, donc, car, pourquoi? Parce qu'il est mort, il est, mm-hmm. et c'est le péché pour lequel il est mort, et une fois pour toutes, c'est une fois, c'est il y a eu une mort de Christ. Mm-hmm. Il y a eu une fois. C'est réglé. C'est réglé, il ne le refera plus jamais. Il ne l'a jamais fait avant, il ne le fera jamais après, il ne le fera jamais dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Il l'a fait une fois, c'est quand il est venu ici-bas, qui a pris la nature humaine, et il est mort. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toujours. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Là, on parle de Christ, là. Il est revenu à la vie, et il vit pour Dieu. Nous, on dit, ben, pourtant, il est Dieu, lui. Mais il y a une complicité trinitaire. Chacun vit pour la gloire de l'autre. Puis chacun vit pour l'autre. Quand on dit qu'il vit, c'est qu'il vit pour Dieu, pour la gloire de Dieu, bien entendu. Donc, il y a une complicité à l'intérieur de la Trinité qui fait cela. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et le mot, là, c'est pas juste regardez-vous, pensez-y. Là. C'est pas regarder dans le sens là, de temps en temps, c'est... Comprenez. Comprenez. C'est le mot que j'étais pour dire, Patrick. Voyez-vous. Avec la comparaison de ignorer du verset 3, vous ignorez, comprenez bien, là. Vous-même, là, maintenant, sachez, comprenez que vous êtes mort au péché et vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas dire « Pêchons avant que la grâce sera bonne. » Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes vivant pour Dieu comme Christ est vivant pour Dieu. Ça, c'est notre... Parce qu'on a, on a une nouvelle vie. Puis dans la nouvelle vie, elle ne pense pas de même. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle ne pense pas de, tu sais quoi, de pécher pour que la grâce aborde. Non, c'est ça. Puis elle a une nouvelle façon de penser, la nouvelle vie. Elle est sortie... la personne qui est comme ça a arrêté de se regarder le nombril. Elle regarde le nombril de Dieu, si je peux dire ça comme ça. C'est sur Dieu, puis elle vit pour Dieu. Elle vit pour Dieu. Donc, c'est pas quelque chose que... C'est pas un fardeau. C'est un fardeau quand on essaie par la chair. Je parlais avec quelqu'un encore un matin. Je disais... Elle dit, je me prive de... Elle dit, ça, se priver, c'est pas facile. Quand je me prive de quelque chose, c'est pas facile. J'ai dit, c'est drôle que tu dis que tu te prives de... c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bon, mais tu t'en prives pour Dieu. Je dis, tu t'en prives pour... Il y avait quelque chose qui était une ambiguïté, là. Je veux dire, comment peux-tu dire que tu te prives de quelque chose, puis tu vas aller avec Dieu? Mais j'ai dit, si tu penses de même, demain, après-demain, tu vas arrêter de te priver, là. Tu vas retourner à ça, là. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Donc, puis je connais bien la personne. Donc, je sais qu'elle a un désir pour Dieu, mais elle j'ai dit, si tu essaies de vivre la vie chrétienne à coup de volonté, sans comprendre, tu vas trouver ça ardu. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu comprennes ce que Dieu a fait en toi dans ta vie. Et ça va changer ta perception de. Donc, au verset 12, là, il dit « Donc, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Si vous êtes mort au péché, si vous n'êtes plus esclave du péché, si vous êtes plus sous pouvoir du péché, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Donc, donnez-lui pas du pouvoir hein, si vous n'êtes plus sous son pouvoir. Le corps mortel, ici, vous le voyez comment? Parce que là, il dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Tout à l'heure, on avait vu au verset le vieil homme a été crucifié, donc il était mort. Là, il parle, il revient avec un autre terme, le corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est toujours en fonction de la question en haut. Oui. Donc, la question. Donc, si je veux vivre dans le péché pour que la grâce soit bonne, je vais obéir à quelque chose d'autre que la partie qui est vivante. Mm-hmm. À quoi je vais obéir si je veux aller dans cette direction-là? Je vais obéir à ce que lui appelle ici le corps mortel, ce qu'on appellerait des fois la chair. Mm-hmm. Donc, vous n'obéissez pas à ces convoitises, parce que là, il y a une autre partie de moi qui va, si je voudrais vivre dans le péché pour la grâce sur la bande, il faudrait que j'aille vers quelque chose d'autre que le moi qui est ressuscité. Parce que lui, il ne veut pas aller dans cette direction-là. Mm-hmm. Donc, il dit, ne laissez pas votre corps mortel prendre le dessus. Contrôlez-le par le côté qui est conforme à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va dire au verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme à des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. » Donc, utilisez la vie que vous avez, non pas pour faire des péchés, pour que la grâce se rabonde, mais utilisez la vie que vous avez maintenant pour servir Dieu, vous savez, à la gloire de Dieu. OK? Il y a un combat. Il y a un combat qui est là entre deux entités. Mm-hmm. OK? Deux entités qui est là. Moi, je dirais bien ça. Ouais, c'est pas que. Il y a un combat, mais c'est pas pour faire des péchés, pour pas faire des péchés. C'est pour pas c'est essayer que la grâce surabonde en demeurant dans le péché. Oui. Je me mets dessus. Pour la gloire de Dieu. Oui. Je ne crois pas que l'auteur... je ne crois pas que l'auteur veut que je perçoive le combat, peut-être ici. OK. Il veut plus que... je comprenne qu'est-ce que je devrais faire dans ma nouvelle vie. Comment je devrais vivre maintenant cette nouvelle vie que j'ai. Et cette nouvelle vie que j'ai ne va pas se voter dans le péché pour la grâce sur la bande, mais elle va utiliser son être complet pour servir Dieu. Mm. Okay, donc, ouais. c'est dans ce sens-là qu'il veut qu'on perçoive. Comme il dit... au verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, il revient avec cette idée qu'on n'est pas sous la loi, qu'on est sous la grâce. Donc, il faut le garder entre les parenthèses. Là. Il ne veut pas m'emmener à dire... Il va avoir un combat dans moi, mais il essaie de me faire bien comprendre la situation dans laquelle je suis. Donc, à cause que je suis en Jésus-Christ et que je suis maintenant vivant et que je suis mort au péché, je suis libre du péché, je ne suis plus son esclave, j'ai commencé une nouvelle vie en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Donc, automatiquement, je vais utiliser tout ce que j'ai pour servir Dieu. Mm-hmm. Donc, ne laissez pas le péché prendre le contrôle de vous. Il n'est plus votre maître. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas ça le but maintenant. Avant ça, c'était son but. Maintenant, ce n'est plus votre but. Mm-hmm. Vous allez maintenant vivre pour Dieu. Tout est dit comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc, on offre à Dieu, Paul va le ramener au chapitre 12, offrez vos corps comme un culte raisonnable. Ouais. Okay, donc, vous allez prendre maintenant, même vous allez prendre ce qui est encore dans la chair, vous allez vous en servir pour servir Dieu. Et donc, vous allez vous servir, vous allez vous servir de vos membres, de votre corps, de ce que vous êtes, de tout ce que vous possédez pour servir Dieu. Donc, vous n'allez pas laisser ce qu'il appelle le corps mortel ici, prendre le dessus. Vous allez... C'est pas que qu'il y a un combat et ça va être difficile. C'est qu'il est en train de me donner le but de ce que je vais faire. OK, c'est okay? Il ne faut pas que je pense tout de suite au combat. Il va m'en parler un peu plus loin, mais il est en train de dire « Pourquoi est-ce que je ne vais pas livrer mes membres à mon corps mortel? C'est parce que je suis vivant pour d'autres. » Il m'explique les raisons pour lesquelles je vais vivre de même. Là. Mm-hmm. Donc, étant vivant, comme vous étiez, offrez vos membres comme des instruments de votre nouveau maître, qui est la justice. Mm-hmm. Okay? On est esclave de la justice maintenant. La grâce règne par la justice. Donc, on est sous la grâce. On est des êtres justes. Donc, on va s'en servir de tout ce qu'on a pour la gloire de Dieu. Pas pour commettre des péchés où la grâce sera bonne. OK? Mm-hmm. Il dit, « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, le péché n'a pas de pouvoir de me donner la mort. Pas de pouvoir. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être tenté et ne pas faire des péchés. Elle n'a pas de pouvoir. Pourquoi qu'elle n'a pas de pouvoir? C'est parce que je ne suis pas sous la loi. Mm-hmm. C'est pour ça que si je veux ramener la loi dans ma vie, pour une raison quelconque, il faut faire attention parce que je me remets dans une situation difficile, dangereuse. Mm-hmm. Parce que la loi, là, je ne suis plus. Elle a joué son rôle dans ma vie, c'est fini. Je ne suis plus là. Pourquoi qu'elle n'a pas de pouvoir? Aussi longtemps que je reste en dehors de la loi, je suis sous la grâce, il n'y a plus de pouvoir. Pourquoi est-ce que je ne vais pas offrir mes membres pour faire des péchés, pour que la grâce soit bonne? C'est parce que je suis vivant pour Dieu et j'offre ce qui je suis, ce que j'ai à Dieu pour mm-hmm. me servir. Et puis pourquoi je vais réussir? Comment ça je vais réussir? Pourquoi ça va marcher? Car je ne suis plus sous la loi. Donc, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Mm-hmm. Moi, je vis sous la grâce. La grâce. Donc, tant que je suis sous la grâce, je peux servir Dieu, je peux glorifier Dieu. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je suis libre du péché. Je suis vivant. Donc, je n'ai pas redevabilité envers la loi. Parce que je ne suis plus sous cette loi-là. Donc, c'est pareil comme on va dire des fois, vous avez peut-être déjà vu ça à la télévision, ceux qui travaillent dans les ambassades, ils ont une immunité politique. Mm-hmm. Ils ne sont pas assujettis aux lois du pays dans lequel ils sont, parce qu'ils sont sous les lois de leur pays à eux. Mm-hmm. Tant qu'ils sont dans l'ambassade, c'est comme l'ambassade au Canada, c'est comme si c'était une petite pointe de la Chine. Mm-hmm. C'est ici, ici. Puis tant qu'ils sont là, ils ne sont pas assujettis aux lois canadiennes. Mm-hmm. Ils sont assujettis aux lois de la Chine. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est plus sous la loi, on est dans un autre monde, dans un autre domaine, on est sous la grâce. Donc, c'est intéressant de bien comprendre ça. Faut pas emmener tout de suite le combat là, de la vie chrétienne. Pas tout de suite. Peut-être dans le texte, dans le livre d'Épître, on va le voir. Mais ici, il est encore en train de me faire comprendre que, étant plus sous la loi, étant sous la grâce, j'ai une vie qui va être différente que celui qui n'est pas sous la loi. Cette partie du texte-là a été beaucoup compris comme il ne fallait plus pécher. Oui. Parce que souvent, on l'avait appliqué comme il n'y a plus de pouvoir sur vous autres, donc là, on essayait de faire des efforts pour ne pas pécher. Puis... Mm-hmm. Je crois que l'effort n'est pas que le croyant fait des efforts pour ne pas pécher. Le chrétien a une vie de combat contre la chair qui veut pécher. Mm. C'est différent, les deux. Mm-hmm. C'est pas celui qui est uni au Christ, qui est une même plante avec Christ, qui fait des efforts pour ne pas pécher. Mais il veut combattre contre la partie qui est en lui, qui est la chair, qui veut pécher. Mm-hmm. Vous les gardez, les deux, un peu séparés, là. OK? Mm-hmm. Veux-tu recommencer ça, ce petit bout-là? La partie qui est en moi, qui est unie au Christ, qui est une même plante avec le Christ, ouais, elle ne fait pas d'efforts pour ne pas pécher. Parce que c'est sa nature de ne pas pécher. Okay. Mais elle va faire des efforts pour ne pas pour combattre contre la chair qui veut pécher. Okay. Okay? Donc, il faut comprendre ça parce que des fois, le chrétien a l'impression que cette partie de lui qui a été régénérée fait encore des péchés. Elle pêche encore. Puis c'est pour ça que des fois, il va penser ça parce qu'il va dire, ben là, j'ai perdu ma relation avec Dieu, je ne suis plus en règle avec Dieu. Donc, il va penser que... Puis là, il va penser qu'il peut améliorer cette partie-là. Mm-hmm. Mais je ne peux pas améliorer l'union que j'ai avec Christ. Est-ce que vous savez? Je ne peux pas améliorer l'union que j'ai avec le Christ. C'est une union imparfaite. Elle est parfaite, cette union-là. Mm-hmm. Puis elle va être parfaite pour l'éternité. Elle est immuable, inchangeable. Mm-hmm. Wow. OK? Donc, elle, à cause de cette nouvelle nature qu'elle a, de cette union qu'elle a avec le Christ, elle va rentrer en conflit avec la chair, avec le monde, ouais, avec le diable. Elle va rentrer en conflit. Mm-hmm. Et donc, il y a un combat entre les deux. Mais ici, c'est qu'il est en train de dire... Pourquoi est-ce que tu ne vas pas commettre des péchés? Puis de dire, oh ben, on va faire des péchés. Pas grave. La grâce va se rabonder, Dieu va être glorifié. Mm-hmm. Non. Non, il dit, tu ne peux pas. Tu es en union avec le Christ. Mm-hmm. Tu n'es plus l'esclave du péché, tu es libre du péché, tu n'es plus mort. Le péché ne peut plus te donner la mort. Donc, tu ne peux plus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller dans cette direction-là. Mm-hmm. Tu ne peux pas penser ça. OK? Car ici, le pouvoir, c'est pas le péché n'a pas le pouvoir de me tenter, ou le diable n'a pas le pouvoir de me tenter ma chair, ou ce que ma chair n'a plus le désir de pécher la chair. On va le voir tout à l'heure au chapitre 7, quand Paul va parler des choses. Il y a quelque chose en moi qui veut pécher encore. Mm. Mais il y a quelque chose en moi qui ne veut pas pécher. Je ne réussis pas toujours. Mais il y a quelque chose en moi qui est là. Parce que si je ne les garde pas assez séparés, il y aurait le danger que les deux tombent sur le même côté à un moment donné. Mm-hmm. Et là, comment je fais pour sortir de là? Mm-hmm. Il faut que j'en ai toujours un de partie de moi qui est dans la lumière. Parce que si à un moment donné, les deux se retrouvent dans la noirceur, du côté du péché, comment je fais pour en sortir? Comprenez-vous ce que je veux dire? Non, mm-hmm. Oui, non. Non. Ouais, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut les garder séparés. Il faut bien comprendre que les deux vont rester séparés. Ils sont en combat, mais ils vont rester séparés. Parce que si c'était possible qu'un change de côté, là, on tomberait mal pris à des bouts. Là. Okay? Ça dépendrait de nous, là. Oui. Ouais, c'est qu'il faut bien saisir qu'est-ce qui est arrivé avec mon baptême avec le Christ. Donc, quand on parle de ce baptême-là qu'on a vécu avec le Christ, cette union-là avec le Christ est peut-être plus importante qu'on l'imaginait. plus grande. Elle a des effets peut-être plus bénéfiques qu'on l'a imaginé. C'est un peu, je dirais, de la faiblesse des fois quand on prêche un évangile trop humaniste, où est-ce qu'on met toute l'emphase sur Christ est mort pour toi, pour que tu n'ailles pas en enfer et que tu ailles au ciel. Ça devient dur de comprendre que j'ai eu une nouvelle vie. Je ne le saisis pas assez. Et là, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire moins de péchés, j'essaie de combattre par la volonté, puis par la prière, puis par des... C'est dans une union que j'ai faite avec le Christ qui a tout changé. Tout ça a changé par la foi. Cette nouvelle vie a commencé en moi et elle se réjouit, elle se plaît, elle aime cette situation-là. On a fait le choix avec la connaissance qu'on avait là. Mm-hmm. Oui. Donc, je pouvais pas faire une connaissance. Je me souviens quand j'étais plus jeune chrétien, ça faisait peut-être un an et demi, je t'ai sauvé. J'avais été voir mon frère qui m'avait parlé du Seigneur. J'ai dit, tu ne m'as pas tout dit, toi, là. Tu ne m'as pas tout dit. quand tu m'as parlé de l'Évangile, il y a des bouts que tu ne m'as pas dit. Hey, François, il dit, ça faisait juste 6 mois que je t'ai sauvé, là, que j'étais chrétien. Tu ne peux pas tout savoir, moi non plus, là. Donc, et il m'a dit ce qu'il savait. Donc, et moi, je voyais en lisant que, mais il manquait des bouts, là. Il manquait des bouts à ce qu'il m'avait dit. Donc, j'étais un peu comme troublé, puis j'étais... J'ai mis en doute mon salut, mais j'ai même mis en doute la véracité de l'Évangile. Parce que je disais, c'est pas ça qu'il m'a dit, c'est pas ça qu'il a annoncé, c'est pas ça que je vois. Et tout tranquillement, j'ai compris que, ce qu'il m'avait dit était vrai. Je pouvais trouver des versets bibliques qui disaient ça, mais il en manquait. Puis comme j'ai dit souvent aux gens avec lesquels je travaille, c'est quoi le minimum que je dois savoir pour être sauvé? Y a-t-il un minimum à quelque part? Mm-hmm. Ben oui, il y a un minimum. On n'a pas le choix, il y a un minimum. Mm-hmm. C'est pas parce que je crois en Dieu que je suis sauvé. Il y en a qui croient à l'existence de Dieu et qui ne sont pas sauvés, ils ne sont jamais sauvés. Mm-hmm. Il y en a qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puis qu'il est la Trinité, puis ils croient à plein de choses. Mais ils ne sont pas sauvés pour ça. Mm-hmm. Donc, c'est quoi le minimum que je dois comprendre pour que cette union avec le Christ ait eu lieu. Ouais. C'était minime ce qu'on savait, ce qu'on avait entendu. On a dit oui, là. Mon ami, grâce soit rendue à Dieu qui est parti avec ce petit minime-là, puis il s'en allait, il nous a fait continuer à avancer. Uh-huh. Mais là, c'était... On a dit oui à 5 pas vers le ciel, là, tu sais, là. Uh-huh. Puis on savait à peu près rien d'autre, là. Et c'est vraiment important. Donc, quand on amène les gens à se faire baptiser, on les amène à s'unir avec le Christ, et cette union m'amène à vivre sous la grâce en tant que juste, en tant qu'une personne justifiée, qui est juste, et qui va toujours rester juste parce que je suis sous la grâce. Si je suis sous la loi, je ne suis jamais juste, je ne pourrais jamais vraiment être juste parce que je suis sous la loi. Et la loi m'amène à pécher, donc je ne peux jamais être juste vraiment. Quelqu'un qui est sous la grâce ne peut pas devenir injuste. Il est sous la grâce. Ça fait partie de la nature de la grâce. Donc, tu ne peux pas condamner un gracié. Ce serait ridicule. Le sens... Le mot grâce perdrait son sens. Donc, Dieu dit, tu es mort avec moi, tu es uni maintenant avec moi, le péché n'a plus de pouvoir sur toi, tu es libre du péché, tu n'es plus son esclave. Maintenant, tu as une nouvelle vie, tu vis pour Dieu. Donc, prends ce que tu as autour de toi, dans ta vie, prends ton corps mortel, sers-toi-en pour servir la gloire de Dieu. Sers-toi-en pas pour faire des péchés, pour que la grâce se rabonde. Donc, comme nous autres, on dirait aujourd'hui, utilise tout ce que tu as autour de toi, autant ton corps que ton argent, que ta maison, tout ce que tu as, tes talents, pour servir la gloire de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que là, il s'adresse à celui qui est en union avec le Christ. Donc, il dit à celui qui est en union avec le Christ, « Sers-toi de ton corps mortel pour faire ça et non pas pour faire d'autres choses. » Donc, il n'est pas en train de lui dire « Tu vas avoir un combat, mais l'utilité que tu vas en faire maintenant. » OK? Dans deux semaines, on va voir, il va dire au verset 15, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Là, la grande question, est-ce que maintenant que nous ne sommes pas sous la loi, il me semble que ça va bien dans la tête d'un juif qui s'est converti. Et même, je dirais, même d'un religieux, d'une personne religieuse qui pratique une religion, maintenant, s'il n'y a plus de conséquences, on peut pécher. On peut pécher pareil, il n'y a plus de conséquences. Donc, il dit non, c'est pas ça. Là, il va donner un autre principe qui va nous amener à dire c'est pas à cause qu'il n'y a pas de loi, qu'on n'est pas sous la loi, que le chrétien va pécher ou qu'il va vouloir pécher. Et souvent, je dis aux gens qui prônent la loi comme moyen, comme norme de vie chrétienne, je leur dis, est-ce que vous remarquez que les gens qui n'ont pas la loi comme norme dans leur vie chrétienne, est-ce que vous remarquez qu'ils sont plus pécheurs que vous? Est-ce que le fait qu'ils ne disent pas qu'ils sont sous la loi ou que la loi est une norme pour la vie chrétienne ou... Quand vous les regardez vivre, avez-vous l'impression qu'ils font plus de péchés parce qu'ils ne sont pas sous la loi? Ben non. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui contrôlent leur vie que la loi. Comme je l'ai déjà dit, la loi mettait une pression extérieure vers l'intérieur. Mais Dieu a fait de quoi? Il a fait de quoi à l'intérieur? Mm-hmm. Il m'a donné la vie et ça va mettre une pression vers l'extérieur. Ça veut dire que, vu que tu as la vie maintenant, utilise ton corps mortel, utilise ce que tu as à l'extérieur de toi pour la gloire de Dieu, pour faire pour la gloire de Dieu. Donc, laisse pas l'extérieur maintenant vouloir mettre de la pression vers l'intérieur. Sois tu es une vie nouvelle, sers-toi-en pour la gloire de Dieu à la place. OK? Oui, OK. Donc, okay. On va demander à Isabelle, ça veut nous conduire dans la prière. OK. Merci Seigneur pour ces encouragements ce soir. Merci que tu fais en sorte qu'on soit de plus en plus enracinés, de plus en plus affermis, de plus en plus conscients de qui nous sommes en toi, Seigneur, de ce que tu as fait à la croix. Et on te remercie pour François que tu lui as donné ce don d'enseigner. Alors, Seigneur, je te prie qu'on puisse cette semaine ou les semaines à venir, qu'on puisse être vraiment conscient de cette nouvelle nature qui est en nous. Mmh. Et qu'on puisse mettre tous nos talents à ta gloire, Seigneur. Mmh. Amen. Amen.